Certains vous interpellent et vous interpellent franchement. En fait, votre but, quel est-il? Islamiser l'Europe? Vous voulez que tout le monde devienne musulman? Votre projet, c'est ça? Et certains musulmans, quand on leur pose cette question, leur réponse n'est pas tout à fait claire. Elle n'est pas claire. Est-ce qu'il s'agit de rester musulman et de porter témoignage, ou est-ce qu'il s'agit de venir là en conquérant, pensant que l'avenir, c'est à la position, comme certains de musulmans en Angleterre ont dit, nous ne cesserons notre activité en Europe que quand nous aurons planté le drapeau de l'islam sur le 10 Downing Street. Et là, c'était à 20h sur la BBC, ça a effrayé plus d'un téléspectateur. Nous avons à répondre pour nous-mêmes d'abord,